Trois, je vois toujours autour de moi l'amour est prêt. Mais dans ma tête, il a beaucoup de mauvais, il a beaucoup de mauvais. Moi, je vois toujours autour de moi l'amour est prêt. Mais dans ma tête, il a beaucoup de mauvais, il a beaucoup de mauvais. Ça, on sera plus tard. Ça, on sera plus tard. Ce qui est là, en plus de pourtant, ça sera quand même, ça sera vraiment. Moi je vois toujours autour de moi l'amour est vrai. Mais dans ma tête il a beaucoup de mauvais, il a beaucoup de mauvais. Ça on sera plus tard, ça on sera plus tard. Mais ce qui est là en plus important, ça sera quand même, ça sera vraiment. Ça on sera plus tard, ça on sera plus tard. Qui est en plus important, ça sera quand même, ça sera vraiment. Ça sera vraiment, ça sera vraiment, ça sera vraiment, ça sera vraiment.